Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Réconfort. Poème en vers libre du Chevalier à la Rose. Une douce brise vint effleurer ses cheveux, écartant quelques mèches d'une frémissante caresse, et découvrant ainsi son oreille, non sans délicatesse, pour lui susurrer ces quelques mots chaleureux. Rien n'est jamais vain, mon ami, ma mie. Toute épreuve recèle un bienfait béni, dissimulé au regard de prime abord, comme la nuit précède l'aurore. Ne laissez jamais quelque difficulté vous décourager, vous faire renoncer. La vie est une longue épreuve d'endurance, dans laquelle le bonheur est délivrance. Je vous assure qu'il existe vraiment ce doux rêve que vous bercez depuis longtemps. Laissez le destin guider vos pas, et aucun regret jamais ne durera.